Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Wesh, la mis entre le bien et le mal, on se perd tous. Tu veux mon avis? Mais toi bien navire pas mal quand tes potes t'énervent tous. La la la la la. Chez nous on se met raptus. Les darons ont trop de factures. Alors le soir c'est des potes que ça fracture. Les potes des partous, laisse-les c'est des bandeurs. Ils volent pas une cartouche, moi j'ai trop de rancœur. Bientôt le week-end, votre carrette bulle santé. Attends que ça monte un peu, après t'inquiète je vais chanter. C'est pour mes fous, au chantier y'a pas le coup de pelle. C'est pour se décharger des ovétos dans des poubelles. Ça rôde, ça cherche des coins pour se caler. Une mise hop, je m'arrête, j'essaye de la charger. Camouvre-toi là, y'a trop de gens sur le rendez. Pas les vitres teintées. J'suis pas blindé, j'vais pas t'emmener boire un verre. Et ouais c'est rude dans mon coffre, j'ai pas un verre. Pétard pas de hache, tu parles mal fils de lâche. 4 pistaches de crash, l'alcool au quartier c'est slash. Ma vie, ouais j'la mis entre le bien et le mal, on s'perd tous. Tu veux mon avis, mais toi bien ne vire pas mal quand tes potes t'énervent tous. Elle est dure ma vie, sur papier. Les bleus de lèvres, j't'as pas des papiers. Au fait, j'te les pas dit, mais c'est pas de plagier là où t'as pas pu. Et les filles, elles défient, des fois on se prend la tête pour une. J'te dis ça, c'est pas pour rien, y'en a une pour qui j'écoute. Imagine Joule avec un mini Joule, ça peut faire Burry le nez qui coule. Les fois qu'on a la vie qu'il faut, pour l'instant y'a que des filles qui sonnent. Y'a des petits qui portent des armes, il écoute les autres, pas sa mère. Il nique les forces de l'ordre, c'est pas eux qui lui donnent son salaire. Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Où est-ce que l'ami entre le bien et le mal, on se perd tous. Tu veux mon avis? Mais toi bien ne vire pas mal quand tes potes t'énervent tous. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Moi je l'ai mis entre le bien et le mal, on se perd tous. Tu veux mon avis? Mais toi bien ne vire pas mal quand tes potes t'énervent tous.